La dernière supernova, un roman de Éric Simon. 16 juillet 2029. Comment ça, plus d'astronautes? Egon Scum éructé. Nous n'en avons plus que 3 parmi les 20 premiers, répondit Frédéric Fournier. Tous les autres ont refusé les uns après les autres de rejoindre le pas de tir. Ils se sont concertés, visiblement, car ils ont tous le même discours sur le principe de précaution, le risque trop élevé, et j'en passe sur les conséquences de la supernova et ses foutaises. Mais qu'est-ce que vous avez foutu pour en arriver là? C'est impossible! Et pourquoi les mecs des missions 5 et 6 ne sont pas prêts? Ben, ils doivent encore faire 6 mois de formation, et on n'avait pas prévu d'avoir besoin de faire plus de 3 remplacements successifs en urgence sur un même poste. Vous êtes des amateurs! Comment vous avez fait pour ne vous rendre compte de rien? Ils ont préparé leur coup, évidemment. Ça ne s'improvise pas, un truc comme ça, hein? Mais comment c'est possible, un truc pareil, hein? Le milliardaire fulminé. On l'avait rarement vu dans un tel état. Cette fusée doit décoller pour aller sur Mars avec des hommes et elle décollera maintenant, poursuivit Scum en frappant violemment la surface de son bureau. 4 astronautes sur 5 de l'équipage avaient soudainement refusé de se rendre sur le pas de tir le matin même, en expliquant que le risque avait été volontairement minimisé par Galactix et qu'il était préférable de reporter le premier lancement de 6 mois pour laisser arriver le vent de pulsar issu de la supernova de 2024. Frédéric Fournier avait immédiatement enclenché la procédure de remplacement d'urgence en faisant appel aux doublures de ses 4 astronautes. Pedro Garcia Lorenzo, le seul des 5 qui n'avait rien revendiqué, se retrouvait dans la situation étrange de celui qui aurait intégré l'équipage 2, mais cela ne dura que très peu de temps. Au moment où les 4 remplaçants étaient arrivés dans la salle de préparation, ils annoncèrent qu'eux aussi, tous les 4, refusaient de monter dans la capsule Antares tant que le risque lié au vent de pulsar n'était pas maîtrisé. Pedro Garcia Lorenzo dut alors patienter 2 heures supplémentaires pour voir arriver les membres au quasi complet de l'équipage 3. Une fois prêts pour se rendre vers le pas de tir, 3 parmi les 4 s'arrêtèrent de marcher, regardèrent Pedro et leur collègue Corinne et leur firent signe qu'ils arrêtaient. Ils récitèrent un discours semblable à leur prédécesseur. La situation était ubuesque. Les techniciens et ingénieurs qui accompagnaient les astronautes commençaient à tergiverser et à s'engueuler de plus en plus ouvertement. Ils ne pouvaient pas mettre 3 personnes de force dans la capsule pour les envoyer sur Mars. Les responsables du pas de tir avaient demandé à ce que Fournier descende en personne pour tenter de raisonner les hommes et les femmes qui avaient passé plusieurs années de leur vie en sacrifices divers pour finalement renoncer à la dernière minute. Fournier s'était déplacé, mais en vain. Il fit venir les membres du 4e équipage et le même sketch se déroula presque à l'identique. Un seul parmi eux souhaitait partir vers Mars. Il n'était plus maintenant que 3 volontaires, Pedro Garcia Lorenzo, Corinne Tucker et Jay Gilinski. Ça ne faisait pas un équipage de Mars Explorer. Frédéric Fournier était furieux. Il insultait littéralement les 17 astronautes grévistes en leur prédisant une fin de carrière rapide. Il lui avait répondu qu'ils étaient les seuls à pouvoir grimper dans le crew Antares pour l'amener sur la planète rouge, et qu'ils avaient des droits, dont celui de se retirer en cas de danger imminent. Même si le vent de pulsar devait arriver 6 mois plus tard, le danger était immédiat, puisqu'une fois lancé, la capsule ne pouvait pas faire demi-tour avant de parvenir en orbite martienne. Démerdez-vous, vous en avez déjà 3? Eh bien, vous allez m'en trouver 2 autres parmi ceux qui restent. Et puis, vous me prenez une femme pour qu'il y en ait 2, hein? Les ethnies, on s'en fout maintenant. Vous allez bien en trouver 2 qui n'ont pas peur de ces conneries quand même. Egon Scum hurlait à 20 centimètres du visage de Frédéric Fournier. Avant d'entrer dans son bureau, ce dernier avait essayé d'imaginer quelle aurait pu être la réaction de Scum, mais il l'avait surpris, une fois de plus. Peut-être qu'en repoussant de quelques mois, on pourrait disposer d'un équipage entièrement formé, marmonna Fournier sur un ton non convaincu et non convaincant. J'ai dit que c'était maintenant, maintenant. Il est hors de question de repousser le premier lancement de plus d'une semaine, tu m'entends? T'as 7 jours pour me faire décoller cette Eagle, avec 3 hommes et 2 femmes à son bord. Si tous ces mecs ont la trouille, ils ne méritent pas de fouler le sol de Mars, c'est aussi simple que ça. Tu les as mal sélectionnés, c'est tout. Je crois surtout qu'ils ont été manipulés par l'extérieur, osa Fournier. C'est notre protection qui a sans doute foiré à un moment. Mais bon, inutile d'avoir des regrets, je vais reprendre en main dès maintenant le contrôle de l'environnement des 60 recrues qu'il nous reste. Et je vais sélectionner les 2 plus motivés du groupe. Et aux autres, tu sais quoi? Tu peux leur dire de faire leur carton. Je veux plus les voir avec mon logo sur la poitrine, c'est raclure. Frédéric Fournier avait très bien compris le message sous-jacent de son président directeur général, qui fêtait son 60e anniversaire. Son avenir à lui aussi allait se jouer dans les 7 prochains jours. Dès l'annonce du 17 juillet du licenciement des 18 astronautes, Craig avait été mis dans la même charrette. La presse se déchaîna contre les méthodes de Galactix. Craig, Erin et leurs camarades d'infortune racontèrent dans les détails comment Galactix contrôlait et surveillait les communications de ses astronautes. Le service de communication de Galactix déploya tous ses talents pour dénigrer ses anciens employés par presse interposée. Ils étaient accusés de raconter n'importe quoi dans le but de salir la société uniquement parce qu'ils avaient été virés. Or, ils avaient été licenciés pour faute grave. Leur comportement avait été impardonnable car ils mettaient en danger un programme de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le 18 juillet, la NASA prit position de façon étonnante en annonçant qu'elle embauchait sur le champ les 18 réfractaires de Galactix. Par ce geste, l'agence montrait qu'elle prenait fait et cause pour le combat de Craig et de Erin, celui de Christina, Laura et Tom. Mais à aucun moment, la NASA ne demandait explicitement à Scum de revoir son planning de lancement. Craig, Erin et leurs comparses n'iraient sans doute jamais sur Mars, mais au moins pourraient-ils espérer aller un jour en orbite ou sur la Lune, même pour quelques jours seulement. Les contre-feux de Galactix avaient suffisamment bien fonctionné pour que l'opinion publique ne s'envenime pas sur le sujet. La notion même de vent de pulsar, qui semblait toujours hypothétique et lointain pour la plupart des gens qui en avaient connaissance, ne semblait pas passionner les foules. La communication de Galactix avait fait passer ses ex-futures stars pour des losers, qui n'étaient bons qu'à rejoindre une agence de losers incapables de se maintenir dans l'espace ou sur la Lune à cause d'un principe de précaution ridicule. Ils avaient inondé tous les canaux possibles, de la fake news en grande quantité. Christina regardait l'écran en repensant à tout ce qu'ils avaient essayé de faire, et réussi en partie. Il y aurait des victimes, mais au moins, elles seraient consentantes. Tous les astronautes de Galactix, ceux qui restaient, savaient forcément pourquoi un grand nombre d'entre eux ne faisaient plus partie du groupe. Beaucoup allaient abandonner le navire, c'était sûr. Quelques-uns et quelques-unes seraient restés, à l'image de Pedro Garcia Lorenzo, qui se retrouvait malgré lui avec une étiquette de chef, alors qu'il n'avait rien fait pour mériter quelque titre que ce soit. Galactix avait annoncé fièrement la formation du nouvel équipage le soir du 19 juillet, pour un décollage planifié le 20 juillet, et avait assuré que le second lancement serait effectué comme prévu à la mi-décembre. On fêtait les 60 ans du premier pas de l'homme sur un astre autre que la Terre. Quel meilleur jour pour le lancement des premiers hommes et femmes qui allaient marcher sur un autre astre que la Lune ? Egon Scum avait fait un beau petit discours plein d'emphase, et les astronautes, 3 hommes et 2 femmes, avaient pris place au sommet du lanceur lourd Eagle 5.